kakali sono amitié et bandi. On est comme au quotidien, on te y habite pas. Ami est Tony Mani, ami est Tony Pessa Modima. Yokemeye Roma, Pansa Kanga. Naina Tikalina Susi Nayo. Ami est Tony Mani, ami est Tony Pessa Modima. Yokemeye Roma, Pansa Kanga. Naina Tikalina Susi Nayo. Chebena Tikalina Susi Nayo. Thank you.